ambassadeur. Riyad Satouf, notre invité de l'actualité de la bande dessinée, merci d'être venu, installez-vous, je vous retrouverai tout à l'heure, mais tout d'abord, en ce vendredi 12 juin, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible, et pour commencer, notre tête chercheuse de la semaine, Renaud de Spence, qui depuis lundi nous raconte la culture pop en Chine. La culture pop chinoise n'existe pas. Notre série de la semaine avec le sinologue Renaud de Spence. Aujourd'hui, dernier épisode, on va parler de la télévision. Et cette fois-ci, vous n'allez pas nous dire qu'il n'y a pas de culture pop diffusée par la télévision chinoise, Renaud de Spence. Non, effectivement, la télévision produit des émissions ou des séries qui sont extrêmement populaires. Maintenant, bon, ça va être souvent décrié par un certain nombre de personnes comme étant de la culture ringarde. Si on prend l'émission la plus regardée en Chine, vous savez quelle est l'émission la plus regardée, Tefik ? Non. C'est celle du Nouvel An chinois. La fameuse soirée du Nouvel An chinois. Il y a une tradition qui remonte à 30-40 ans, voire plus, hein, où pendant la soirée du Nouvel An, et nous on a un peu du mal à l'imaginer parce que Nouvel An en français, on ne regarde pas la télé, mais toutes les familles, pendant qu'elles mangent toutes ensemble, regardent cette émission, et qui a été, quand la Chine s'est ouverte au monde dans les années 80, c'est vrai qu'à ce moment-là, ce n'était pas une émission ringarde, parce que la Chine était un immense empire ringard, à part certaines élites intellectuelles qui avaient gardé des œuvres interdites sous le manteau, etc. L'immense majorité de la population n'avait pas eu accès à la culture. Donc, cette émission a joué un rôle extrêmement important en montrant de la culture populaire. Alors, souvent importé de Hong Kong et Taïwan. Il y avait des chanteurs de Hong Kong et Taïwan qui venaient. Il y avait aussi de la culture populaire propre à la Chine, notamment des genres qu'on connaît pas beaucoup en Occident, qui vont être des dialogues comiques. Donc le comique, le dialogue comique, alors il y a une tradition dans le Nord, une tradition dans le Sud à Shanghai, et ça c'est relativement populaire, notamment chez les générations les plus âgées. Et c'est deux personnes, ça va être deux personnes qui font un dialogue avec des chutes, avec des rebondissements, c'est assez drôle. Et donc cette émission-là a été très populaire. Elle est encore très populaire puisque c'est la plus regardée de toute l'année sur toutes les chaînes de télévision confondues. Mais à mesure que la Chine, entre guillemets, s'embourgeoise, que l'Internet est apparu aussi, que les moyens pour un Chinois qui veut avoir un accès à la culture mondiale se sont diversifiés, et cette émission aussi devient ringarde. C'est-à-dire que maintenant, les jeunes vont se dire, oh, c'est barbant, mes parents, ils allument la télé alors que je préférais, il y a trop de bruit, par exemple. Hein. Donc ça perd un petit peu en popularité, bien que ce soit encore pour les générations, les vieilles générations, encore très important. Et puis surtout, ça donne le « là », c'est-à-dire pour l'année. C'est-à-dire qu'on voit un petit peu quelle va être la politique de la censure pour toute l'année. Pour nous, en tant que spectateurs occidentaux, surtout ces dernières années, c'est épouvantablement kitsch. Mais c'est un bon indicateur. Et autrement, vous avez depuis les années 2000, pas mal de nouvelles émissions qui se sont lancées ou des séries qui ont été très populaires. Et notamment, vous aviez évidemment nos émissions de télé-réalité qui ont été exportées. Vous avez eu l'équivalent de nos tournées manège, enfin pour les rencontres d'âmes sœurs, qui ont été extrêmement populaires. Hein, c'est autant de marchés pour les sociétés de production de France, non ? La Chine ? Ou bien c'est juste du piratage Non, c'est pas du piratage. Je crois qu'ils ont acheté des licences, mais ça a été produit en local. Ce qui est intéressant, c'est que ces émissions un petit peu à la marge, hein, enfin en tout cas un petit peu pionnière, hein, par rapport à ce qu'on avait sur les télévisions d'État. Donc il n'y a que des télévisions d'État en Chine. Hein. Mais la Chine est un État, c'est presque un État féodal. C'est-à-dire que vous avez ce qui est produit à Pékin. Pékin, c'est l'endroit où vous avez le moins de liberté dans toute la Chine. Mais il y a les provinces. Vous avez les provinces. Et il y a une sorte de concurrence entre les provinces, et notamment entre les chaînes étatiques des provinces. Donc vous avez quelques chaînes qui ont été pionnières et dans lesquelles on avait un esprit beaucoup plus libre, par exemple, qu'à Pékin, et qui ont produit ce genre d'émissions et qui ont été très populaires. Vous avez eu aussi un certain nombre de séries. Par exemple, il y a eu une série dans les années 2010 qui montrait la difficulté des jeunes couples chinois d'aujourd'hui à se loger. Alors ça, c'est inédit. Vous imaginez, la plupart de la production des séries en Chine, c'est soit des longs drames sentimentaux où il faut pleurer, etc., soit la guerre civile contre les Japonais ou contre le Kuomintang. En gros, c'est ça. Donc là, quelque chose qui s'attaquait à des problèmes vraiment contemporains chinois. Et donc l'éruption du réel. Ça a été très populaire. Mais tout ça, c'est fini depuis les années 2009 et nouveau tour de vis politique. Donc aujourd'hui, vous avez peu de nouvelles émissions populaire. Vous avez eu ces dernières années une série de documentaires sur la cuisine chinoise, en revanche, qui a été extrêmement populaire, une redécouverte. Parce que c'est un peu impensif, la cuisine chinoise. Tous les Chinois disent qu'ils aiment la cuisine chinoise, et en même temps, qu'est-ce que c'est la cuisine chinoise ? Il y en a plein de différentes, et quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément d'énormes connaissances. Et ces documentaires, extrêmement bien faits, ont passionné les Chinois. Ils se sont rendus compte qu'ils ne connaissaient pas aussi bien leur cuisine que ça. Puisque maintenant, la société chinoise est devenue une société de consommation effrénée. Hein, le niveau d'équipement des ménages chinois, même des classes moyennes, par exemple, est plus important que chez nous en termes de télévision connectée ou n'importe quoi. On a l'impression que tout se vend. Et même l'art. C'est-à-dire que l'art ou la culture, on va le vendre dans les pages des magazines sous le label, par exemple, Art de vivre. Et il y a, ces dernières années, il y a une passion des Chinois pour l'art de vivre. Alors c'est peut-être aussi en raison de ce tour de vis politique qu'il y a eu en 2009. Donc maintenant, on peut plus tellement aller vers l'art traditionnel en Chine. C'est un peu mal vu. Et en attendant, en hibernant un petit peu culturellement, et ben on se tourne vers... Alors, vous avez à la fois les dégustations de vin, vous avez le mobilier, vous avez les vêtements... Et quelquefois, on se demande mais pourquoi les Chinois viennent tous faire la queue en France ou dans les pays occidentaux pour acheter nos sacs dont nos vieilles ne veulent plus chez nous. Ouais. C'est un peu ça. Je suis méchant avec les marques de luxe, mais c'est un peu la réalité qu'on a en Occident. Et les Chinois nous l'expliquent. Ils nous disent mais tu comprends ? On est devenu riche, enfin relativement, hein, très vite. Donc il faut qu'on dépense, il faut qu'on montre qu'on est riche, bien entendu. Enfin parce que c'est autrement l'argent que vous gagnez, si vous le montrez pas, bah ça en soi ça n'a aucune valeur. Donc et en même temps, on ne sait pas ce qui est beau, parce que justement comme c'est un pays qui est culturellement nain par rapport à ce qu'il pourrait être, le goût qui nous paraît surtout à nous Français. C'est vrai que quand on compare aux Américains aussi, c'est quelque chose de différent. Le goût, ça nous paraît relativement naturel. En Chine, c'est absolument pas naturel. Comment vous choisissez un vêtement, une couleur, un sac, etc. Ils ne savent pas. Donc le luxe, pour eux, est une sorte d'ascenseur culturel. Merci beaucoup, Renaud de Spens, d'avoir été avec nous cette semaine pour nous donner les dernières nouvelles de la Chine. La culture pop n'existe pas en Chine. C'est désormais une série que vous pouvez réécouter dans son intégralité en passant par la page de l'émission Un autre jour est possible. Merci beaucoup, Renaud de Spens. Merci, excellente journée. Et je rappelle le titre de votre dictionnaire, le dictionnaire impertinent de la Chine. C'est édité chez Books. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, L'invité culturel. Bonjour Riyad Satouf. Bonjour. Bah ça y est, c'est sorti enfin le tome 2 de l'Arabe du futur. C'est chez Alary Édition. Cette fois-ci, ça se passe en Syrie, uniquement en Syrie, après la Libye. Toujours cette enfance entre 84 et 85. L'enfance de Riyad Satouf, d'un jeune garçon blond, dans la Syrie de Hafez al-Assad. Ce sont des souvenirs, Riyad Satouf, ou ce sont des souvenirs reconstitués? Tout souvenir est quand même déjà une reconstitution biologique d'événements qui se sont passés. Donc, pour l'Arabe du futur, que ce soit pour le 1 ou encore plus pour le 2, je suis parti uniquement de ma mémoire et de mes souvenirs. Et évidemment, je reconstitue quand même certaines scènes pour les rendre intelligibles au lecteur, mais je n'aurais pas d'intérêt à raconter des inventions, disons. Enfin, en tout cas, moi, pour moi-même, ça ne m'intéresse pas. Je veux remettre sur papier ce que j'avais dans la tête. J'ai jamais oublié ces années-là. J'ai même vécu chaque jour, chaque minute avec. Hein. C'est pas, ça me guide dans tout ce que je fais. Et j'avais la certitude que j'allais pouvoir les raconter ça un jour. Enfin, j'avais l'impression que je devais rendre ce que j'avais dans la tête à ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire la bande dessinée. Disons, je voulais utiliser la bande dessinée pour revoir ces années-là, essayer de les réexplorer. Voilà. Mais c'est vrai que pendant des années, j'ai eu peur d'aborder ce sujet, parce que ça raconte des événements qui sont souvent dramatiques, pas très agréables, on n'a pas envie. Je pense que je préfère ma vie d'aujourd'hui. L'Arabe du futur, c'est votre père, Riyad Satouf, et c'est un personnage qui devient de plus en plus attachant, même si on ne le comprend pas vraiment. Qui était cet homme? C'est un homme qui aurait pu rester en France, c'est là où il a fait ses études, c'est là où il a rencontré votre mère, et il a décidé de l'épouser, mais il revient dans son pays après avoir fait un passage en Libye, parce qu'il croit vraiment que le futur arabe existe, et pourtant, au fur et à mesure, on voit qu'il accepte tout ce qui va pas dans les sociétés dictatoriales. Il accepte ça, il joue le jeu, il est moderne, rationnel, mais il accepte aussi tous les interdits de la religion. Il voudrait ouvrir un horizon nouveau pour lui et pour sa famille, et pourtant il est soumis lui aussi aux lois du village. Il est vraiment paradoxal, ce personnage. Oui, mais c'était ce paradoxe que je voulais aussi explorer. C'est-à-dire que dans l'Arabe du futur, je raconte que mon père, lui, était originaire d'un petit village très pauvre dans la banlieue de Homs. C'est un village de paysans. Et en fait, c'était le seul de sa famille à avoir eu accès à l'éducation. Et il était bon élève, et donc il a poursuivi ses études. Et parce que c'était le plus petit de sa famille, donc tout le monde travaillait et les gens payaient ses études en espérant qu'il devienne quelqu'un. Et donc il avait réussi à terminer ses études à Paris, à la Sorbonne. Il avait demandé une bourse à la France qu'il avait obtenue. Donc il était devenu docteur en histoire. Et lui, il avait vraiment cette envie de rendre l'éducation qu'il avait reçue au monde arabe. Je pense qu'il appartenait peut-être à une génération, en tout cas lui était comme ça. Il avait un sentiment d'humiliation très fort suite aux guerres perdues contre Israël, à la colonisation. Je pense qu'il est un admirateur du panarabisme, en effet, de Nasser. C'est-à-dire qu'il voulait que le monde arabe ait droit au chapitre dans le concert des nations, voilà, que le monde arabe ne soit pas seulement un vassal de la Russie ou des États-Unis. Mais derrière ça, ce que je montre, j'essaie de montrer, c'est qu'aussi il y avait un rapport à la virilité, c'est-à-dire que ce qui lui plaisait aussi, c'est le regard des autres sur lui, lui renvoyant l'image de quelqu'un d'une autorité de savoir sur des gens qui auraient pu être lui quand il était enfant. Je pense qu'il avait vécu vraiment une enfance très très difficile dans son village, sans électricité, sans eau, enfin c'était vraiment très très dur et il avait été très marqué par ça. Il y avait aussi un côté très mégalomane. C'est pour ça qu'il voulait pas. Il n'était pas pour la démocratie, il n'était pas pour la liberté. C'était quelqu'un qui était pour le progrès et la modernité, mais dans la dictature. Lui, je pense qu'il avait des fantasmes, il rêvait qu'il ferait un coup d'État, ou qu'on l'appellerait soudain pour qu'il soit ministre, ou je ne sais pas. Riyad Sattouf, dans l'Arabe du futur 2, qui sortit donc hier, on apprend quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que votre première langue apprise à l'école, c'est l'arabe, et pas le français. Oui, c'est vrai que j'ai d'abord su écrire l'arabe avant, tout à fait. Alors pour le coup, j'ai oublié. Je ne le parle plus. Alors j'aimerais bien reprendre des cours. À un moment, je m'étais dit, est-ce que je reprends des cours d'arabe ou des cours de guitare? Et donc, je ne pouvais pas me payer les deux en même temps. J'ai choisi la guitare, je dois quand même bien l'admettre. Mais maintenant, je me dis, je pourrais peut-être reprendre des cours d'arabe. Parce que je sais écrire les lettres et lire les mots. Et quand j'entends des gens parler en arabe, je comprends certains mots, mais j'ai vraiment oublié. Oublié, évacué? Oui, sans doute... par complexe ou par névrose, je sais pas, j'ai fait un blocage sur la langue arabe, certainement. Ana ma bahka arabi, ana ismi Riyad Sattouf, kif saha, shlona kenti, yalla. Et pourtant, dans l'arabe du futur 2, vous dites que écrit en arabe, orthographié en arabe, prononcé en arabe, votre nom a plus de poids qu'en langue française. Bah oui, c'est plus de poids, c'est-à-dire que mon nom en français est un peu ridicule, Sattouf. Voilà. C'est un peu comme si je m'appelais Franck Nichon. Et en fait, en anglais, ça fait Frank Nichon. Et en français, c'est Franck Nichon. Donc, c'est un peu la loose. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est tout. C'est vrai qu'en arabe, on dit Riyad al-Sattouf. Bon, c'est plus. Ça ne génère pas tout de suite un éclat de rire en classe. Comme... C'est solennel, comme vous dites. Ouais, c'est un peu solennel. Alors, parlons un peu de vos institutrices, parce que la première. Vous allez en avoir deux. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi la première institutrice va disparaître au beau milieu de l'année scolaire. Vous ne nous le dites pas, mais il y a plein de gens qui disparaissent d'ailleurs dans votre récit. Attention à ne pas trop spoiler, Tofi, que je ne répondrai pas à tout. Mais parlons de cette institutrice qui a tout à la fois le hijab et la mini-jupe, où on voit bien ses mollets et des chaussures avec des talons aiguilles. Est-ce qu'elle ressemble vraiment à l'institutrice que vous avez eue? Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un personnage tout droit sorti de l'univers de Crumb. Hein. Oui, non, elle est... Et c'est vrai que dans l'arme du futur, j'ai souvent amoindri la réalité un peu, dans certains cas. Par exemple, cette institutrice... Elle se maquillait de manière assez outrancière. C'est-à-dire qu'elle mettait un rouge à lèvres très très très fort. Elle mettait du bleu sur ses yeux qui était. Et alors si je l'avais dessiné vraiment extrêmement réaliste, de manière très très... Et par exemple, ses chaussures, elles débordaient littéralement de ses chaussures. Je ne sais pas comment... Si je l'avais dessiné, je l'avais décalqué telle qu'elle était, ça aurait été un personnage... totalement non crédible. Je sais pas comment. Déjà là, je me disais, mais je suis sûr que les gens vont pas croire qu'elle avait des mini-jupes, que dans l'école, des maîtresses avaient des mini-jupes, etc. Mais je me dis, mais je dois le raconter, c'était comme ça. Surtout les deux, et le hijab et la mini-jupe. Oui, bien sûr, oui. Non, ça c'était en Syrie, c'était fréquent. À Homs, c'était assez fréquent. Et je pense, alors, je saurais pas dire comment ça se passait, mais je sais pas si c'était peut-être des profs. Qui était de Homs, qui était chrétienne, et qui mettait un voile à l'école, peut-être parce que c'était une école musulmane dans un village sunnite pour pas choquer les enfants. Je n'ai jamais compris ce truc-là. Je dois dire que c'est un truc qui est revenu tout au long de ma scolarité en Syrie. Les maîtresses étaient très très féminines. Alors, il y avait tout, il y avait la religion très présente, il y avait aussi le village avec une justice tribale, mais il y avait beaucoup d'alcool, comme si c'était ça qui différenciait un peu ce régime totalitaire non religieux des dictatures qu'on connaît aujourd'hui dans la même région. Moi j'ai le sentiment, enfin moi je sais pas, en Syrie il y avait différentes communautés, différentes religions qui vivaient côte à côte. Chacune avait ses habitudes et n'empiétait pas sur l'autre. C'est vrai qu'on trouvait de l'alcool, mais personne dans le village où j'habitais n'en buvait. À part un des cousins de mon père qui était dans l'armée, qui lui trouvait ça moderne de boire. Voilà, il y avait des passerelles comme ça chez les gens un peu haut placés, mais c'était très. Donc la consommation d'alcool n'était pas interdite, elle était par le régime, elle était interdite socialement par les us et coutumes. Et c'est un peu le cas dans de nombreux pays arabes. Vous pouvez acheter de l'alcool au Maroc, alors que si vous êtes dans un petit village et vous voulez vous boire une bière et que vous avez grandi dans le village, c'est impossible. Personne. Ne... Donc c'était aussi ce que je voulais montrer dans l'album, tous ces comportements et ces tabous sociaux qui sont pas forcément induits par des lois, mais qui par des us et coutumes plutôt. Voilà. Et puis surtout, dans l'arabe du futur, on est à pas loin de Homs, il y a une virée à Palmyre. Voilà, c'est aussi la géographie d'un pays qui aujourd'hui est en guerre, est en ruine. Et c'est vraiment très dur de ne pas faire le parallèle entre la Syrie d'aujourd'hui et celle que vous avez connue enfant entre 84 et 85, Riyad Satouf. Ben, disons que ce qui a déclenché, c'est vrai que la guerre civile en Syrie est ce qui a déclenché l'écriture de l'arabe du futur, puisque j'ai dû aider une partie de ma famille à quitter Homs et à venir en France. Et j'ai eu envie de raconter l'histoire, donc j'ai dû commencer l'histoire au tout début. Voilà, mais après c'est vrai que de prendre l'actualité comme ça, elle entre forcément en collision avec mes souvenirs, mais ce qui se passe à Palmyre aujourd'hui, quand j'ai écrit cet album, ça se passait pas à Palmyre. Voilà, moi je raconte mes souvenirs d'enfance de cette époque-là. La Syrie était différente à mon époque de ce qu'elle a été avant la guerre. Le pays s'était quand même modernisé, même si c'était vraiment toujours un pays totalitaire. Mais moi, les années que je raconte, dans les années 80, c'était vraiment un pays très très dur dans les zones rurales. Moi, ça m'a fait penser, quand j'ai tourné mon film Jackie au Royaume des Filles, je suis allé tourner en Géorgie. Et je me rappelle d'avoir été marqué de la modernité de Tbilissi, la capitale. J'ai voyagé beaucoup dans le pays et j'ai vu plein de petits villages et qui vraiment semblaient très loin de la modernité de la grande ville. Et en France, ça a été le cas jusqu'en dans les années 80, ce que je raconte dans le tome 1 de l'Arabe du futur. La voisine de ma grand-mère en Bretagne vivait comme au Moyen-Âge, mais elle vivait dans des conditions pires que dans le village en Syrie. Voilà, mais c'était la dernière. Elle avait 90 ans, elle est décédée et ensuite sa maison a été vendue et ils ont... Voilà, mais la ruralité... Je trouve la façon dont on traite les zones rurales et les zones les plus éloignées du centre d'un pays, ça en dit énormément sur le pays. Moi je trouve. Voilà. Enfin, l'arabe du futur de Riyad Satouf, on apprend, en lisant donc ce tome 2, que vous avez appris le français avec Tintin. Alors, le nombre de gens qui m'ont dit qu'ils ont appris le français en lisant de la bande dessinée est invraisemblable, mais vous, vous racontez ça très bien. Ah oui, tout à fait. Bah écoutez, moi j'ai lu Tintin, ça a été quasiment ma seule lecture jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc voilà, j'ai appris à lire avec Tintin, j'adorais Tintin, ce voyageur un peu intrépide, un peu bizarre. Ensuite, évidemment, à l'adolescence, j'ai détesté Tintin, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune femme dans Tintin, et je ne comprenais pas comment j'avais pu aimer une BD où il y avait la moitié de l'humanité qui manquait. Et ensuite, à l'âge adulte, finalement, j'ai re-aimé Tintin énormément, par les prises de conscience successives que sa lecture provoque ou ne provoque pas, mais moi en tout cas m'avait provoqué. C'est-à-dire de me rendre compte qu'il n'y a pas de femme dans Tintin, à part Castafiore. Souvent les préjugés qu'il peut y avoir sur les autres cultures, mais en même temps aussi, parce que je me rappelle que mes cousins en Syrie lisaient Tintin, mais Tintin, ils trouvaient ça dément. Ils étaient morts de rire quand Hergé dessinait le cheikh Bab el-Her et tout ça. Et pour eux, c'était des mecs qui ressemblaient à leurs oncles. C'est-à-dire, ils étaient morts de rire. Ils trouvaient ça très, très, très, très réaliste et très... très voilà, c'est vrai que Hergé et Tintin, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup accompagné, parce que notamment c'est une bande dessinée qui est lisible par tout le monde, et c'est ce que j'ai cherché à faire avec l'Arabe du futur. Est-ce que vous allez continuer à faire de la bande dessinée, Riyad Satouf, avec tous les projets de cinéma que vous avez? Je pense que je vais continuer à faire de la bande dessinée, c'est ce qui est dans mon sang, c'est-à-dire que je ne pourrais pas m'en passer. Marjane Satrapi, elle a laissé tomber la bande dessinée pour le cinéma. Bon, c'est son choix, mais moi, en tout cas, le mien, la bande dessinée, je suis seul à mon bureau, je raconte ce que je veux avec les moyens que je veux dans le l'angle que je... Alors, c'est sûr que ça demande beaucoup de travail, c'est très long, c'est un travail assez monacal, parce qu'on est tout seul avec soi-même. À intervalles réguliers, on se retrouve face à une page blanche qu'il faut à nouveau remplir de petites cases et à nouveau remplir de lettres et essayer 150 fois le même processus de repartir à zéro, de recommencer, c'est très finalement difficile. Ça peut être ingrat par certains aspects, mais c'est génial. Je n'arrêterai cette activité pour rien au monde. Et comment vous évoluez dans ce triangle que vous avez installé entre la bande dessinée qui parle de vous, ou je sais pas, l'autofiction, disons, bande dessinée, et l'Arabe du futur fait partie de ce point. L'autre point culminant, c'est bien sûr Pascal Brutal, donc un héros récurrent dans une France du futur. Et puis enfin, troisième point, c'est la vie des jeunes. C'est tout à la fois trois mondes différents, trois éditeurs très différents, et pourtant c'est le même trait, et on retrouve le même humour. Comment vous évoluez d'un style à l'autre, Riyad Satouf? Bah, disons que c'est pas très intellectualisé, en fait. Je me dis pas en me levant le matin, tiens, aujourd'hui je vais faire cette nouvelle bande dessinée dans un truc. En fait, ça peut paraître peut-être prétentieux ou pompeux, mais je vais quand même le dire parce que c'est le cas. Mais j'ai l'impression souvent que c'est pas vraiment moi qui décide ce que je vais faire. C'est-à-dire, à un moment, un livre s'impose. Je sais pas comment dire. C'est celui-là que je dois faire tout de suite. Et il sort en entier de ma tête et je le fais. C'est une envie ou une idée ou une image ou une situation qui fait que, voilà, vous voulez plutôt traiter de Pascal Brutal que d'autres choses ou de... Bah, par exemple, dans le cas de Pascal Brutal, je sais pas comment, si j'en referais un autre, je sais pas encore. Le monde tel qu'il est devenu est pire que ce que je raconte dans ma bande dessinée. J'ai du mal à trouver des histoires qui soient plus obscènes que ce que la réalité nous offre en permanence. J'ai l'impression d'être rattrapé par l'actualité tout le temps. Pascal Brutal a représenté quelque chose. J'ai eu envie de faire autre chose. La vie secrète des jeunes aussi, j'ai envie de faire autre chose. J'ai commencé une nouvelle bande dessinée qui paraît toutes les semaines dans l'Obs, qui s'appelle Les Cahiers d'Esther, où je m'inspire de la vie d'une petite fille, une vraie petite fille qui me raconte son quotidien. Et en fait, c'est des choses qui arrivent et s'imposent et mettent à l'écart d'autres choses. Voilà, je saurais pas dire plus que ça. En plus, j'ai envie de finir l'Arabe du futur, c'est mon activité. Ça, c'est ce que je fais, c'est ce qui sort de ma tête, voilà. Et le cinéma, c'est complètement parallèle à ce que vous faites quand vous êtes auteur de bande dessinée, Riyad Satouf? Disons que j'ai eu la chance de ne pas... avoir à démarcher des producteurs pour faire des films, mais on est venu me chercher. Et donc j'ai pu faire les films que j'ai faits de manière assez simple. C'était une chance énorme. En bande dessinée, je me suis battu pendant 10 ans pour essayer de faire accepter mes projets par les éditeurs. J'ai des dizaines de lettres de refus, des lettres type, votre projet ne nous intéresse pas, même avec des gens que j'ai travaillé par la suite, qui m'envoyaient des... Mais j'étais capable de mourir jusqu'à pour me faire de la bande dessinée. Le cinéma, il y a tellement de variables, c'est tellement compliqué de pouvoir... Enfin, j'ai eu ce sentiment-là, c'est que je ne sais pas si je me serais battu pour en faire dans les conditions d'un jeune réalisateur, par exemple, voilà. Mais j'ai la chance de pouvoir peut-être faire de... Mon premier film a été un succès, le deuxième beaucoup moins, mais voilà, c'est un... J'adore ça, j'ai fait des études de cinéma, j'aimerais beaucoup en refaire. Mais c'est la bande dessinée qui emmène, qui est la locomotive et qui emmène tout. Riyad Satouf, l'Arabe du futur, en librairie depuis hier, c'est édité chez Alary Édition. Il n'y aura pas la photo donc de Riyad Satouf blond, mais il y aura quand même l'autoportrait. C'est ce qu'on demande maintenant aux dessinateurs, l'autoportrait de Riyad Satouf. Merci beaucoup. Merci. C'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel, émission réalisée par Semanina. Et merci à Henri Leblanc de m'avoir aidé à la coordonner cette semaine. Vous pouvez nous écouter en passant par franceculture.fr, le podcast est à votre disposition. On se retrouve lundi avec une nouvelle série, Bonaparte et l'Amérique, et en compagnie de Jean Tullard.